rien de mouillé ici. Oui, il y a une douce de mouillé. Et assez. Tous les noms. Faire décoller le peuple. Lui donner l'occasion d'oublier par des histoires, mes histoires rondement racontées, aussi enflammées et lumineuses que les feux follets des mots, mes mots, qui s'illuminent en plusieurs sens, parce que je vois rien monder mes doubles versets sataniques de ces dévalues des deux, c'est mes lunettes, madame. Il a perdu ses lunettes! Non, c'est double foyer. Je veux pas placer ça devant l'image, là. On nous capte. On capte d'autres ondes. Non, on capte ma face, ma grosse face. Enflammé, lumineux, merci. Est-ce que c'est ouais, comme ça? Pas trop, OK, merci. Oh! Hey, elle m'a dit qu'il n'y avait pas la ville derrière. Elle a raison! Pouvez-vous parler entre vous, s'il vous plaît? Monsieur Grenier, ça manque de professionnalisme. Ça manque vraiment de professionnalisme. Vous êtes plus de ce monde. On vous sent impatient et inconscient collectif. En même temps, ce que j'essaie, c'est de mettre de l'image en arrière. Là. En arrière, l'image, c'est quoi? C'est la ville de Québec. C'est au coin de la 4e et de la 3e avenue. Est-ce que j'ai le droit? OK, là, on voit la marque de ton... Oh, c'est venu, OK. Nous sommes directement au coin de la 4 et de la 3. J'ai perdu deux boules. Derrière mon avélo des ambitons. J'ai perdu deux boules. On recommence dans le sérieux, s'il vous plaît. Là. C'est mon texte. Oui, mais là, je vois ma ville. Bonjour! C'est la ville de Québec. Oui, mais t'es à la radio. Gaétan de Brisebois, là. Devant sa petite... j'allais dire une marque. Devant sa petite radio. Transistor! Hey, mon oncle Roger avait ça. Hey, moi, là, je vais te raconter mon petit lumineux. C'est quoi, lumineux boiteux? Tu te fais appeler, toi, là? Non, mais on va te raconter. Moi, là, j'ai acheté à une certaine époque une radio, mais à monter soi-même. Pas déjà comme nos jeunes achètent aujourd'hui dans des magazines, sur Internet, sur les Internets. Hey, ils se font avoir. Hey, moi je l'ai commandé. Je suis allé voir le monsieur commis qui était là. Il fumait comme 3-4 cheminées. À l'époque, on pouvait fumer dans les magasins. Là. Les commis pouvaient fumer. Là. Tout le monde pouvait fumer. On fumait, ça fumait, c'est enfumé à mort du Seigneur Dieu. Et puis donc, j'arrive devant le commis. J'ai dit commis. Il dit c'est moi. Commis, c'est moi. Commis, c'est vous. Bonjour, commis. Bonjour, on fait de l'argent. On est un crétin, on fait de l'argent. Non, je suis impulsif, mais je suis pas crétin. Tous les impulsifs sont crétins. Rénal Gagné, là, et son émission est. Rasse-rénal-tienne, là. C'est un impulsif, c'est un crétin! Ah, oh, ben, vous le connaissez! Je connais pas cette émission-là, c'est quoi, Eril? Qu'est-ce que c'est, quoi, Eril? Là, c'est vrai qu'à l'époque, on était en 1968. C'est qu'Eril est arrivé en 74. Lui, ça lui disait rien, on faisait la translucidité! C'est pas une nouvelle position sexuelle, là, la translucidité que je viens de dire, là. Pas ça, là, l'histoire, là. Mon oncle Renat, ce qu'il veut te raconter, c'est que on faisait de la projection. On salait, puis on poivrait, on mettait des oignons crus. On savait ce qui allait arriver. pas de poisson cru, là. On n'a pas dit des poissons crus, on dit des oignons crus. Des oignons, on les garde au pied, là. Au pied, au pas camalado, pas camalado, pas, au pas, au pas. Au pas camalado, pas camalado, pas, au pas, au pas. Tralala. Mais là, c'est pas ça. Je m'en fais commander ma radio à monter. À monter, moi, j'ai déjà monté deux chevaux. Deux grosses brebis galeuses, à un moment donné, des 90-91, là. Oh, j'ai monté ça, mais c'est... Non, j'ai pas votre... Bien donc, oui. Non, c'est pas ça, je... Laisse-moi raconter mon histoire, toi, là, mon Jean-Pierre! Communique pas là-dedans, là! C'est pas le temps! Bon, ce que je veux dire, c'est que... J'avais commandé... Grâce au commis qui fumait comme une cheminée... Ma radio a monté moi-même, a fabriqué de mes mains. J'étais le chinois québécois. C'était... Non, on ne la fera pas, c'est tout le monde. Ouais, c'était au mois d'octobre. C'était un chinois qui montait. C'était un chinois qui montait à volonté. Des petites radios qui bidou. Pas pour lui, les bidous, là. Pour la compagnie pour qui il travaillait. Parce que les Chinois, ils faisaient pas d'argent, ils font pas d'argent, les Chinois. Les Chinois, ils travaillent fort. Ils travaillent bien, bien fort en Chine, ça travaille, hey, monsieur. Hey, ils osent même pas marcher trop fort pour pas qu'ils me disent, hey, il faut dormir, là, on travaille pour vous autres, là. C'est vrai qu'ils travaillent pour nous autres, les Chinois. En Chine. Vous remarquez, là, des fois, ça vous bourdonne dans le pied, là. C'est chinois qui vous dit hey, « Tiens-moi dormir !» On va te laisser dormir. Fabrique-moi des belles choses que je vais t'acheter, qui vont durer 2-3 semaines, que je vais jeter, que je vais racheter. Ah ouais, chinois, fabrique-en des belles choses. T'allais dire quoi, toi, là? Pour pas m'actionner auprès de tous les travailleurs chinois de la Chine. Ils comprennent pas. Non, m'a traduit. A kinting kang, hantiging, sting, kimping. Camping l'hiver, c'est fait encore les temps. Non, camping, ting, kimping, ting, ting, kimping. Faut décoller le peuple. Faut faire. faut faire ses œufs durs, pas trop mous, hein. Sinon, c'est plus des œufs durs, c'est des œufs molles, des œufs. Combien vous. Ah, moi, ça va bien, moi. Oh, je mange bien. Et ça s'en meurt. Faire décoller le plan, c'est une belle histoire qui met. Timé! J'ai estimé le timé à pas grand-chose. Non. Faire décoller le peuple. Lui donner l'occasion d'oublier par des histoires, mes histoires, rondement racontées, aussi enflammées et lumineuses que les feux follets des mots, mes mots, qui s'illuminent en plusieurs sens, sans savoir pourquoi, partir autant que l'auditeur, ne même pas savoir où l'on va, mais... y aller quand même. Là, en fait, c'est pas un pleur que je voulais vous évacuer. C'est que je n'étais pas certain de la liaison. Devais-je dire « mais y aller quand même » ou « mais y aller quand même » ah, bon, oui, la réponse, c'est la question qu'on attend. Ben, je viens de poser la question. Doit-on dire « mais y aller quand même » ou « mais y aller quand même. Docteur. Je suis un docteur. J'ai quelque chose là. Excusez. Une pastille. Donnez-moi une pastille. C'est très simple. Mais. Moi, je suis professeur de français. Je docteur le français, puis le français me sort par la gorge. Oh non, oui, je sais, j'ai pas l'accent. Bruxellois, tous les accents bruxellois. Oh, sauf Brel à la télévision. Mais y aller quand même, ou mais y aller quand même? Ben, y aller selon votre fantaisie, pas du tout. Ça, c'est un puriste, là. Pas du tout un puriste. Que fait un puriste, Mme Tremblay? De la purée? Ben, ça, c'est... On faut pas attendre une belle jeune femme comme vous, hein? Merci. Non, mais vous êtes tellement belle, vous. Merci. En fait, belle, mais je sais pas si l'intelligence va avec la beauté, là. Merci. OK. Je vais peut-être vous mettre à l'épreuve, là. Merci. Avez-vous remarqué qu'il y a eu comme une petite tranquillité, là? Ça, c'est un changement d'étape. Bon. Dans étape, il y a étape. Bref, oh, vous me suivez, madame. Oh, monsieur était un peu moins, lui, il était comateux. Ouais, faites-moi une bière. Une bière, je comprends rien. Deux bières, deux, trois bières, je comprends rien. C'est si bien de Jésus-Marie. Que se passe-t-il dans mes pare-brises? Mes pare-brises? Mais par qui? Par quelle brise les pare-brises se brisent-elles? Oh, il a fait la liaison, là! Oh, oh, oh! C'est un pare-brise ou une pare-brise? Le gnochon! Vous voulez faire intellectuel de gauche? Non, mais moi, je fais de la poésie intellectuelle. Vous pouvez pas comprendre. Oui, j'ai fait une liaison opportuniste. Comatolisme. Démagonisme. Prépisme. De la recherche en matière de liaison clandestine. J'ai vu Ernestine avec le grand prêtre de la littérature slovénienne. Hanerin Hamein, c'est son nom. Ah, ça donne le jour. Hamein. Et on s'imagine hein, dans la chambre à loucher. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Ah, non. On va pas attendre une petite belle jeune femme comme vous, hein? Merci. Eh oui, on l'a déjà vu. Hein? C'est comme des pièces de Rita Bibelot. Elle se répète, Rita, hein, ma belle Rita? Mais moi, il va dire que si je me répète, toi, tu te... Répète. Mais voilà. Quand on se répète... On se répète. On dépète. On défrète. On déjette. On débête. Monsieur? Merci. Madame? Allô, madame? Merci. On a dit monsieur, là, parce que normalement, dans la généralité de la consonance intellectuelle du peuple d'aujourd'hui, même si Madame Payette a travaillé très fort et que j'appuie avec elle ses efforts, c'est du Clémence Desrochers, ça? Non, c'est du Rénal Gagné. Oh, Rocher Gagné. On devrait placer quelque part près d'un océan, d'une mer, une mer pas très amère, mais une mer poétique, plantée de rustiques broches à foin. Et moi, la broche à foin, je la tourne en roulant. Parce que, non. J'étais du genre à aller faire tout croche. Des petites boules, grosses boules, petites boules, grosses. Là, je me dis, en me plaçant à la place de la boule, moi, là, en me boulonnant moi-même, je serai. Hey, j'ai perdu le. Je viens de remarquer. J'ai brisé le matériel, madame. Merci. Bon, vous êtes tellement jolie, vous. Merci. Est-ce que ce serait grâce à M. Aleba, non, c'est pas l'Africain Aleba, c'est Alain Barrière que il a écrit « Vous étiez ciselé ». Merci. Oh. C'est-tu assez moyenâgeux de lancer cette phrase-là on fera pas attendre une belle jeune femme comme vous. Premièrement, les femmes qui sont jolies, se l'ont fait dire des millions de fois, par des gros, des imbéciles, des caves, des trous de pète, des chercheurs de baisage instantané. Ils s'imaginent qu'en disant « Ah, vous êtes tellement jolie » qu'elle va dire « Ah, mais viens-t'en, t'es un malade, toi, là. T'as déjà eu 3 mariages que t'as échoué. Tu payes encore 3 pensions alimentaires, tu t'es mis dans la chenoute, tu restes à l'autre bout du monde, tu t'en viens travailler après 1h30 de parcours. Puis là, à un moment donné, tu dis devant une fille, hein, « Faut pas te réveiller. » Voyons donc, mon imbécile, réveille-toi! Pas pour l'intelligence, non. Ils ont jauché en toi l'imbécilité, ils s'y accrochent avec grand plaisir. Y en a-tu des imbéciles dans notre société? On est moi-même. Je me rends compte quelquefois que j'en suis un. Je me dis, hey, je suis imbécile d'avoir dit oui, voyons donc, ouais. Je l'ouvre pas la porte du frigo. Je l'ouvre pas la porte du frigo. Mais voyons donc, c'est pour toi, je te l'ai acheté. Non, je l'ouvre pas! Mais voyons. Entête-toi pas, grosse tête de linotte. Tête de linotte? Qu'est-ce qu'une linotte? Linotte. Ben arrête d'y penser en direct. Là, mais linotte. Est-ce que c'est la fermentation anglophone de linotte? Hey, arrête donc, le peuple s'endort. Non, le peuple, hurra! OK. Ah, écoutez, dans des conditions indéterminées. On ne peut pas l'analyser. C'est un imbécile joyeux. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission francophone la plus indépendante. Oui. Non, l'autre, mais arrêtez de me lancer des choses dans mon oreillette. J'ai pas le droit de les répéter, là. L'obscénité n'a pas de prix. Mon émission non plus. Elle est gratis, ça vaut pas plus. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, avec. Ça, c'est avoc, là. Moi, je suis resté 3 semaines à avoc. Ils m'ont descendu dans un cube de glace. Ils m'ont dit, t'es gelé. Non, ça va bien. Tout va bien. Pas gelé. Pas de glace non plus. Personne n'est gelé ici. T'as-tu vu des gelées? Y'a-tu des gelées, là, des gelées du printemps? C'est pas le printemps, là, l'hiver va arriver, là. T'es-tu gelé? Pas gelé, dégelé. On gèle les cages, là, on dégelé les cages. Les cages des... non, les crabes des cages. Les crabes des neiges. La neige des crabes. Plein les pattes. T'es-tu gelé? Non. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéa Gagné. Non, mais on est dans quelque chose, hein? On est dans un sillon glissant. L'imaginaire est-elle à la recherche de son lui-même? Hein? De son quoi? De son lui-même? De son lui-même, oui. Bravo. Non, on va applaudir l'innocence. L'innocence, ça, c'est pas la jeune fille qui couche dans la prairie en s'imaginant que les nuages risquent pendant la nuit de l'embrasser. Pas du tout. Hey, en passant, il y a un auditeur, pas un auditeur, mais quelqu'un, peut-être qui m'écoute, je sais pas. Rarement qu'on les gens qui m'écoutaisent, on vous embrasse à volonté. Non, mais rarement sont les gens qui me le disent. Là. Hey man, moi là, errant, pas capable de l'oublier, moi là. Hey, je prends des affaires, moi là, pour essayer d'oublier ma femme, mes enfants, mon passé, ma vie de prison. Tu sais, j'ai fait 42 ans dans le pen, dans le pin, dans le poun, dans le pin, dans le poun, dans le poun, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, dans le pin, les portes du Freni. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Ça n'a pas de bon sens, il faut le dire à tout le monde. Dites-le à vos amis, à vos femmes, messieurs, dites-leur à vos femmes, votre femme, vos maîtresses, vos déesses, à tous celles qui vous animent et qui vous font un homme encore plus viril. Rouin! Non, mais de l'écho, c'est bien mieux. Rouin! Un voix d'écho en écho, voilà qui bourdonne, c'est pour Gilbert Bécaud. Encore une belle, une femme qui a nourri dans les mots. Un dernier non non non non non non non non non non non non non non non non non non non. Réponse au fond de la vallée, bien avalée, bien restituée. Dans la vallée, un nouveau Reynald s'est animé. Non, sortez la mitraillette, exterminez-le, il y en a un de trop sa planète. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant, gagne. Merci pour la courbure cinématographique, là. C'est quoi, c'est du... J'allais dire rapidement, c'est du Coluche. Mais après avoir fait une réflexion rapide, non, c'est du Lelouch. Mon ami Claude, que je rencontre régulièrement quand je vais à Paris, il régurgite ça. À Paris, c'est comme à Québec, il n'y en a pas à Paris, mais c'est Paris, où est la tour Eiffel à Paris. Ah, non, j'ai une cliente, comment ils appellent les gens qui ont des clients, je suis pas un escort. Je suis pas un escort Belmore, là, mais je suis pas un escort non plus. Puis, j'ai 21, Madame Tremblay, c'est G21. Et attention, non, si j'ai O28, c'est Cribingo. C'est impossible. O28, c'est impossible. C'est O68, oui, mais pas O28. Moi, je connais le bingo, madame. Vous m'aurez pas. Ah, ce soir, là, les gens m'ont eu. Ils ont sonné à la porte. Ils disaient, réveillez-vous, je vais me réveiller. Comment ça me coûte? Rien! Rentrez club. Je rentre dans le club. C'était le club des quoi? Des Joël là. Signe ton chèque. Les Géraux là. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de mon ami multidisciplinaire Nilda Fernandez. Il est né le 27 octobre. Hein, voyons donc, toi. En Espagne, à Barcelone. Il nous a livré en juillet 2014 des divulgations. Ben voyons, donc, quand on divulgue, c'est des divulgations. Oui, mais il nous a parlé à l'antenne de CKRL et ça nous a plu. La preuve, on vous présente la deuxième partie de tout ça. Paris, j'ai pris perpète. Paris, j'ai perdu la tête pour toi. Ah, ah, ah. Paris, quelle comédienne. Paris, quelle mise en scène de choix. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Paris, tu prends tes ailes.

pas si mal. Et c'est normal. C'est le progrès. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et je viens de me rappeler, en vous parlant de tout ça, que je n'avais pas la phrase de l'oncle Buck. Alors, qu'est-ce qu'on fait, madame Tremblay? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche. On cherche quoi? On cherche le livre. On cherche quelque chose pour nous animer. Mais à la place, nous allons changer d'improvisation. Parce que je trouve pas de livre. Il n'y a pas de livre. OK, on va partir sur un délire, une phrase d'une chanson de Georges Brassens. Puisque j'ai 40 chansons de Brassens ici devant moi. Et je vais prendre Les funérailles d'antan. Hey, ça, c'est comme ça, improvisé, là. Brassens, pas Shakespeare ni Charlie Boudure. Charles Bukowski. Georges Brassens, son titre, Les funérailles d'antan. Dans mon temps, on prenait au moins 2 semaines avant de mourir, hein, pour que toute la parenté est arrivée. Tu peux crever, mon beau René. On était allongés déjà là, prêts à s'endormir pour la vie. Mais on devait avertir 2 semaines d'avance. Je pense que ça va pas très bien. J'ai pas digéré ton ragoût de boulettes. Il y a quelques boulettes qui m'ont resté dans la gorge. J'ai comme la voix d'Éric Lamoine, la moindre défaut. C'est là son grand défaut. Que faisiez-vous? De l'eau de vie. Et maintenant, on boit de l'eau de vie. OK. Et quand la vie ne va pas, ben on cherche la vie en cherchant les jonchants, en jonchant le sol. Puis en cherchant les joncs que nos femmes nous ont libérés de leurs doigts en disant « Tu n'es plus de mon monde, tu n'es plus de ma vie, tu n'es plus de mon mariage, tu n'es plus de mes enfants, tu n'es plus rien, tu n'es que moins que rien, tu n'es qu'un chanteur, tu vas faire des chansons mélodramatiques. » Et c'est comme ça que tu monteras dans la vie artistique. Sauf, mon Éric, sauf! Là, il s'est mis à galoper. Là, on va souffrir. Il y avait un peu plus de culture que la moyenne qui aurait pu dire on va souffrir. C'est ça. Souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec maman qui c'est maman, mimi qui c'est maman. La moindre chance du salut sans pour cela faire d'histoire. Ah non non non les alassies ah malassa la la la yo ay ay ah malassie reina menoy ay ay ay ay ay ay même le trémolo de avec ma gueule de métèque de juif errant de pâte grec et mes cheveux aux 4 vents là mes cheveux sont plus aux 4 vents non puisque je sais pas si vous avez écouté les informations récemment là parce qu'il faut s'informer rapidement dans la société, là. Tout peut calancher, et j'ai dit calancher, d'un bord et ou de l'autre, en un quart de seconde. Mon mari Gaétan. Parce que j'ai un mari qui s'appelle Gaétan. Gaétan Bossé. À force de le frapper, il s'en vient à chercher la moindre fissure. Il dit, la lune, là, hein, est plus embossée que moi. C'est sûr, mon Gaétan, tu t'appelles Gaétan Bossé. Alors, à tous les Gaétan Bossé, bonjour, venez pas m'assassiner, s'il vous plaît. C'est une blague. On m'a déjà dit à l'école, moi, là. Toute ma vie, là, on m'a dit, grâce à. Non, arrête de dire que l'on te l'a dit. On vient de te le dire quand on te l'a dit. Est-ce qu'on te l'a dit? Ça, là, c'est comme les publicités qui prennent les auditeurs ou les téléspectateurs pour des imbéciles. Là, c'est un peu comme la formulation de Félix Leclerc. Hein? On dirait que je roule mes airs. Quand tu viens de Lille, tu roules tes îles. Quand tu viens dans l'air, tu roules tes airs. Et c'est beau, ça. Ben, prends ça en note, Raymond. Prends ça en note, là. Il vient de se passer quelque chose à ce soir, là. La seule! Tout le monde s'est réveillé. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est comme le prêtre, hein? Pendant tout le sermon. Tout le monde. Voyons donc, il va dire quelque chose de bon, là. Il va nous dire qui,

Vas-y, shoot. Gamelle. Connais-toi les jeunes potes qui est père de boucorie. Tes feuilles en chaleur qui te roulent une gamelle. Les potes qu'elle est belle, la belle au cœur de pute. Nous fringuer de ma fuite, la pute et la malseur. Ah là là là. M'en parlez pas. Je ne vous dis que ça. Entre des classes. Lâche-moi la banane ou je te fais sauter les boulons. Ça les dégoûte. Eh hey, Béloute, écoute ça. Il y a un rat dans la soupe. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Ça sort rien que de la musique. Ça sort rien, rien que des mots. Des mots comme à la radio. Ça dérangera pas. Ça empêchera pas de jouer aux cartes. Ça empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça empêchera pas de parler d'argent. Ayez pas peur. Ça va être comme à la radio. ça sera rien. Juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Autre chose est atroce aussi. Entre les deux, il y a la radio. Des chats se font écraser dans les rues. Dans le moment, un docteur alcoolique se penche au-dessus du corps d'une jeune fille et pense « J'espère qu'elle me claquera pas entre les mains la petite vache. » Dans le moment, des vieilles au parc La Fontaine se demandent si c'est moins 20 ou moins 5. Dans le moment, il y a pas mal de monde qui pleure en pensant que la vie est écœurante. Dans le moment, deux polices sortent d'une ambulance le corps d'un chanteur blessé au cœur puis le jettent dans la rivière des prairies. Dans le moment, un Québécois est bien content de s'être trouvé une job. Il fait fret dans le monde. Ça commence à se savoir. Il y a des feux qui s'allument un peu partout. Parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Vous avez rien qu'à nous former. Nous autres, on va continuer pareil.